On va lire un court passage du livre Al-Qa'id al-Muthla de l'Allama Muhammad ibn Salih al-Asim, rahimahullah, ta'ala wa rahmatullah ala man allamana. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام من أوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وباعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها أو منهما على معناه الخاص. La seconde règle du livre Al-Qa'id al-Muthla, donc les règles parfaites, est que les noms d'Allah le Très-Haut, A'lam ou Awsaf. A'lam, c'est le pluriel de A'lam, ça veut dire nom propre. Awsaf, c'est le pluriel de Sifa, ça veut dire attribut. C'est caractère descriptif. Donc, في نفس الوقت, أسماء الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت أسما لله عز وجل في نفس الوقت فهو اسم وصفة لأن كل اسم يتضمن صفة لله عز وجل ك donc chaque nom d'Allah c'est un nom et c'est aussi un attribut, il y a aussi un caractère descriptif. D'un premier point de vue, ça nous cite Allah, lui, son être. Lorsque tu dis Allah, ou bien l'Aziz, ou bien l'Hakim, ou Jabbar, ou l'Hakim, tous ces noms, est-ce que ça cite le même créateur ou pas? Ou non? Si je te dis, qu'est-ce qui t'a créé? Et toi tu me dis, Al-Rabb, ou bien tu me dis c'est Allah, ou bien tu me dis c'est Al-Rahman, ou bien tu me dis c'est l'Aziz al-Rahim. Est-ce que ça change quelque chose? En ayant dit tous ces noms, qui sont différents, on est d'accord? Tu as indiqué qui? Allah, donc un être unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est compris? C'est ce que signifie la première phrase. A'lamun bi'atibari dalalatiha ala dhat. Dhat, c'est Allah lui-même, c'est son être. D'un autre point de vue, quand tu cites le nom, ça fait référence à l'attribut, au caractère descriptif. Bi'atibari ma dallat alayhi. Ça c'est concernant ou c'est relatif à quoi? Au sens que tu comprends. Je vous ai posé une première question, je vous dis man khalaqakum, vous me répondez Allah ou bien Rahman ou bien Bari ou bien Khaliq. Tout ça, ça fait référence à Allah. On est d'accord? Maintenant si je vous dis que signifie Allah, que signifie Al-Aziz, que signifie Al-Malik, que signifie Al-Malik, est-ce que vous allez me dire c'est la même chose? Non. Chaque nom a un sens qui lui est propre, n'est-ce pas? Ben de ce point de vue, non, de ce point de vue, il y a une différence. Donc quand on parle d'Allah lui-même, le nom nous réfère à Allah Azza wa Jal. Tout nom d'Allah nous réfère à Allah Azza wa Jal. Par contre, quand on parle du sens, chaque sens est propre. Chaque nom a un attribut. Cet attribut a un sens. Qui n'est pas le même sens qui est dans l'autre nom. Et un troisième nom a un attribut qui n'est pas le même sens qu'il est dans le deuxième nom, et ainsi de suite. Est-ce que c'est wardah? Donc concernant le sens, il y a un caractère descriptif. Et concernant le fait que ça nous oriente vers un seul être qui est Allah tabaraka wa ta'ala, ça a la même portée. Donc du point de vue du premier, c'est-à-dire que ça nous indique Allah, c'est mutaradifa, c'est comme des synonymes. C'est-à-dire que tu dises Allah, que tu dises Al-Khaliq, que tu dises Al-Bari, que tu dises Al-Rahman, tout cela, c'est comme si tu avais dit Allah. Par contre, concernant le deuxième, le caractère descriptif, par exemple, Al-Hay, il y a l'attribut d'Al-Haya, la vie, c'est celui qui a la vie complète, qui n'a pas été précédé du néant, qui ne sera pas attrapé par la mort, qui n'est pas sujet à l'imperfection, il ne dort pas, n'est pas sujet à la somnolence. Ça, c'est le sens de quoi? Al-Hay. Maintenant, on passe à Al-Aziz, celui qui a la force absolue. Al-Jabbar, le dominateur suprême. Al-Hakim, celui qui est sage et qui a le jugement. Vous voyez tous ces noms? Est-ce que ça a le même sens? Non. Donc, de ce point de vue-là, c'est différent. Quand on dit Al-Hayy, c'est pas comme quand on dit Al-Qayyum. Quand on dit Al-Qayyum, ce n'est pas comme lorsqu'on dit Al-Aziz. Quand on dit Al-Aziz, ce n'est pas comme on dit Al-Rahman. Et ainsi de suite. Chaque nom a un sens. Chaque nom a un sens qui lui est propre. Al-Hayy, le vivant, Al-Alim, le savant, Al-Qadir, celui qui est parfaitement omnipotent, Al-Sami', l'audient, Al-Basir, le clairvoyant, Al-Rahman, tout miséricordieux, Al-Rahim, le très miséricordieux, Al-Aziz, le puissant, Al-Hakim, le sage. Kulluha asma'un li musamman wahid. Tous ces noms-là sont des appellations attribuées à l'unique Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, ma'na al-hayy, ghayru ma'na al-alim. Malgré ça, le sens de l'Hayy n'est pas le même sens que le sens de l'Alim. Le vivant et le savant, ça n'a pas le même sens. Et le sens de l'Alim, le savant, n'a pas le même sens que Al-Qadir wa Hakala, ainsi de suite. Et des fois, tu vas citer un même mot. Tu vas dire par exemple Ar-Rahman. Tu vises par cela Al-Dhat. Tu vises par cela Allah. C'est comme si tu avais dit Allah ou bien Al-Khaliq. Et des fois, tu vises par cela le sens. Et, de ça, et des fois, tu vises par cela le sens. Par exemple, dans le Coran, lorsque tu dis Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du Arsh. Ici, ça fait référence au sens, à l'attribut, ou bien ça fait référence à Allah lui-même. Ça fait référence à Allah Azza wa Jal lui-même. Sans occulter le sens et l'attribut. Car chaque nom contient l'attribut. Renferme les sens et les attributs. Mais des fois, tu utilises le nom et tu veux Al-Dhat. Et tu veux Al-Dhat. Ici, c'est Ismu'al. Ici, c'est Ismul Alam, c'est le nom propre pour nous dire qu'Allah il est élevé au-dessus du Arsh de par son essence lui-même, subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu dis Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, ici c'est sifa. Ici tu vises l'attribut, la caractéristique d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire au nom d'Allah. Celui qui est décrit par ça et par ceci et par cela. Ce sont des noms et ce sont aussi des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par un moment, tu cites et tu veux par cela le nom propre en voulant vous, par cela donc Allah, et par un moment, tu veux l'attribut. L'attribut. Et c'est le siyaq, c'est le contexte qui t'informe en général de cela. الشرح هذه القاعدة الثانية فيها مبحثا. L'auteur nous dit dans la seconde qaida, il y a deux choses à étudier. المبحث الأول, première analyse à faire, أسماء الله أعلم وأوصف. فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلم باعتبار دلالتها على المعاني أوصف. مثال ذلك السميع فهو يدل على الله فيكون بهذا الاعتبار علما وابن مالك يقول اسم يعين المسمى مطلقا علم علمه او علمه كجعفر وخرنقا فالسميع علم وباعتبار ان السميع متضمن للسمع وانه عز وجل يسمع كل صوت فهو صفه ولذلك نقول أسماء الله أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف وأما أسماء غير الله فيعلم فقط فقد يتسمى أحد الناس بعبد الله وهو من أكثر الناس وهذا تسمى بعلي وهو سافل وهذا تسمى بحكيم وهو من أسفه الناس وهذا تسمى بمحمد وهو مذمم فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف لأن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وقد سمي بهذا الاسم لكثرة محامده أو لكثرة خصال الحميدة، واسمه أحمد لأن أحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل، وأحمد من يحمده الناس. لوتا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى nous dit la première analyse que les noms d'Allah Azza wa Jal sont des noms propres et des attributs. Du point de vue que ça nous indique son essence, ce sont des noms propres. Et du point de vue que ça nous indique et ça renferme des sens, ce sont des attributs. Par exemple, si tu dis le nom d'Allah As-Sami', qui signifie l'audient, ça nous indique Allah. Quand tu dis As-Sami', tu parles d'Allah. Mais donc de ce point de vue-là, c'est un nom propre. Mais du point de vue de ce que comprend le nom d'Allah As-Sami', As-Sifatu Sam', l'attribut de l'ouïe, de ce point de vue-là, ça veut dire qu'Allah entend tout. Alors quand on parle de ça, on parle de l'attribut, de la caractéristique, na'am, on parle de l'attribut, na'am, et de là, on fait référence à l'attribut et à la caractéristique. C'est pour ça qu'on dit Asma Allah Ta'ala Asma'un A'lamun wa Asif. Par contre, quand il s'agit d'autre qu'Allah, cette règle n'est pas valable. On ne dit pas que les noms d'autres que Allah, ce sont A'lam wa Asif. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Malik. Ça veut dire maître. Malik, ça veut dire roi. Est-ce que c'est forcément aussi un attribut? C'est-à-dire, il s'appelle Malik, c'est son prénom. Ça, il n'y a pas de doute. Quand tu dis Malik, il va se retourner. Ça fait référence à lui, à son essence, à personne. Mais est-ce que le sens de Malik est forcément sur lui? C'est-à-dire que c'est un roi ou c'est un maître? Non. Il peut s'appeler Malik et être la personne la plus vile, n'est-ce pas? Il peut s'appeler Karim, généreux, et c'est la personne la plus bakhil. C'est le plus grand tava, n'est-ce pas? Donc c'est Awsaf, mais c'est pas forcément. C'est A'lam, mais c'est pas forcément Awsaf. Ce sont des noms, des appellations qui font référence à sa personne, mais pas forcément des attributs. Par exemple, Shir nous dit, quelqu'un, par exemple, ce qui s'appelle Abdullah. Ou se fait appeler Abdullah. Abdullah, c'est-à-dire le serviteur d'Allah. Donc il s'appelle Abdullah et il peut faire partie des serviteurs les plus loin de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ou il peut s'appeler Ali. Ali, ça veut dire élevé, alors qu'il est rabaissé. Ou il peut s'appeler Hakim, ça veut dire sage, alors qu'il fait partie des gens les plus idiots. Et il peut s'appeler Mohammed, ça veut dire celui qui est loué de par ses nombreuses qualités, alors qu'il est blâmable parce qu'il fait beaucoup de mal. Il y a deux exceptions. Dès qu'on dit un nom, il y a aussi l'attribut qui va avec. C'est les noms du Coran et les noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les noms du Coran et les noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces noms, par exemple, il y a quoi? Il y a Mohammed, il y a Ahmed, il y a Al-Mahi, il y a Al-Hashir. D'accord? Al-Hashir, celui au pied duquel les gens sont ressuscités. Al-Mahi, celui par lequel Allah azza wa jalla a enlevé le kufr. Ahmed, celui qui loue le plus, ou celui qui est loué le plus. Mohammed, celui qui est le plus loué de par ses nombreuses qualités. Tous ces noms qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi le sens. Il a aussi l'attribut et la caractéristique. Al-Mabhas al-Thani, la deuxième analyse, wa huwa anna Allah ta'ala, وهو أن أسماء الله تعالى هل هي مترادفة أم متباينة؟ Les noms d'Allah, le Très-Haut, est-ce que ce sont des synonymes simples ou bien chaque nom est différent de l'autre? Chaque nom est différent de l'autre. فنقول أما باعتبار دلالتها على ذات الله على ذات الله فهي مترادفة فكلها تدل على ذات واحدة. Il dit du point de vue qu'on vise par n'importe lequel des noms d'Allah, Allah lui-même, dans ce sens-là, c'est des synonymes. Que tu dises Allah, ou bien le Khaliq, le Créateur, ou bien le Bari, ou bien le Musawwir, ou bien le Rahman, quel que soit le nom d'Allah utilisé, ça fait référence à Allah. Donc, de ce point de vue-là, c'est comme des synonymes. Non pas que ça ait le même sens, non, que ça fasse référence au même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, ne pas penser que le quand tu dis Ar-Rahman, ça signifie Ar-Rahim, et que Ar-Rahim, ça signifie Al-Aziz, Al-Majid. Non. On entend par cela que ça fait référence, tous ces noms-là font référence au même qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. أما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة. Par contre, de par ce que renferme chaque nom comme sens, alors on dit que c'est différent. On dit que c'est différent. Par exemple, il a dit à Sami al-Basir al-Azil al-Hakim, l'audient, le clairvoyant, le puissant, le sage, tous ces noms-là font référence à Allah. Mais le sens qu'il y a dans Samir, c'est le sens de celui qui entend tout. Et le sens du nom Al-Basir, c'est le sens de celui qui voit tout. Donc c'est pas pareil. Naam, de ce point de vue-là, ça n'est pas pareil. Puis c'est une faïda. Je ne la lis pas, car si on n'étudie pas le livre, on se rappelle certains passages. Et en cours, pour ceux qui sont inscrits, ce sera dans le programme prochainement, Inch'Allah Ta'ala. C'est la relation entre les choses, ça se divise en quatre. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة والإجماع ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين أي أوضح من أن يحتاج إلى دليل. الشرح. فإن قال قائل ما الدليل على أن اسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؟ قلنا الدليل من القرآن من اللغة ومن اللغة. أما من القرآن فقد قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة والرحمة صفة. إذن الرحيم معناه ذو الرحمة. وأما من اللغة فإن أهل اللغة والعرف أجمع على أن لا يوصف بالمشتق إلا يعني باسم الفاعل إلا من اتصف بمعناه. فلا يقال للأصم الأصم الذي لا يسمع سميع ولا للأعمى الذي لا يبصر الأعمى بصير. لا يقال للأعمى بصير ولا للمجنون عاقل بل لا بد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه وهو أمر أبين من أن يحتاج إلى شرح. Quelle est la preuve de cela? Le Cheikh nous dit le Coran et la langue arabe. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Allah se décrit et nous dit des paroles dont la traduction approximative des sens de ce verset est « Et c'est le pardonneur et le miséricordieux. » Dans un autre verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction toujours, « Et ton Seigneur est celui qui est doté de du pardon et de la miséricorde. » Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le pardonneur et le miséricordieux, c'est celui qui a l'attribut du pardon et de la miséricorde. Dans Surat Al-Ahqaf, le verset 8, et dans Surat Al-Kahf, le verset 58. Il y a également le consensus des savants de la langue arabe, Naam et du Urf, qu'on ne peut dire de quelqu'un qu'il est alim, il est savant, sauf s'il a de la science. Ou bien audient que s'il entend, ou bien clairvoyant que s'il a la vue. Et ça, c'est on ne peut plus clair pour avoir besoin de l'expliquer. Tu ne peux pas dire de celui qui est sourd qu'il est audient, ni de celui qui est aveugle qu'il est clairvoyant, ou de celui qui est, ou plutôt de celui qui est naam, qui est simplet, qu'il est très intelligent, wa hakada. Le Shir dit, c'est tellement clair qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. وَبِهَذَا عُلِمَ ضَلَالْ مَنْ سَلَبُ أَسْمَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعَانِيَهَا مِنْ أَهْلِ التَّعْطِيلِ. Il dit, et de cette règle-là, on tire une faïda, c'est quoi? C'est qu'on comprend l'égarement de ceux qui ont enlevé et ôté à Allah ses noms et leur sens. Ses noms et leur sens. Parmi Ahl al-Ta'til. Ahl al-Ta'til, c'est ceux, c'est les négateurs. Ceux qui disent non, Allah ne s'appelle pas comme ça, bien que c'est dans le Coran et la Sunna. Ceux qui disent non, tel attribut, on le rejette, alors que c'est dans le Coran et la Sunna. Ou bien ils rejettent le sens compris dedans. Ils acceptent le nom, mais ils disent le sens, mais on ne le prend pas. Ahl al-Ta'til, ceux qui ont renié soit les noms, soit les attributs, soit les deux, soit le sens compris. Soit ils altèrent. Il y a plusieurs catégories, ceci s'étudiera, Inch'Allah Ta'ala. Dans cette, avec cette qaïda, il y a une réfutation pour eux. Pourquoi ? قالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع بصير بلا بصر عز بلا عز وهكذا. Parce que eux ont dit quoi? Ils ont dit oui, on dit qu'Allah est c'est سميع, mais on n'attribue pas à Allah qui l'entend. السمع. Ils ont dit qu'Allah est بصير, clairvoyant, mais on ne dit pas qu'Allah est بصر. Ils ont dit on affirme juste les noms comme ça, mais on ne prend pas le sens. Pourquoi, à votre avis, ils ont dit ça? Ils ont dit cela. Ils ont expliqué cela, justifié cela en disant بِأَنَّ ثُبُوتَ الصِّفَاتِ يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدَ الْقُدَمَا مَعْنَ الْقُدَمَا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِنْ أَيْلَ آلِهَا. Ils ont pris une base et se sont égarés dans cette base qui est fausse. Ils ont dit qu'en affirmant les différents attributs d'Allah, ben c'est comme si on allait affirmer plusieurs entités ou bien chose ancienne. Qu'est-ce qu'ils appellent ainsi? Ils appellent Allah. Ils disent que Allah, son attribut le plus propre, c'est Al-Qadim. Alors qu'Al-Qadim, c'est même pas un des noms d'Allah, tabaraka ta'ala. Al-Awwal ou Al-Akhir, ça c'est des noms d'Allah, azza wa jalla. Le premier. Parce que l'ancien, il peut être plus ancien qu'un autre, et un autre est plus ancien que lui. Il n'y a pas la perfection absolue dans le mot Al-Qadim. C'est pas parmi les noms d'Allah. Par exemple, par contre, Al-Awwal, le premier, na'am. Ils ont dit qu'en disant qu'Allah, il à la miséricorde, plus la puissance, plus la vie, plus, ben c'est comme si tu disais que Allah est plusieurs. Vous avez compris la bêtise? Na'am, c'est comme si on disait qu'Allah est plusieurs. Et nous, on est des gens du tawhid. Donc, la définition du tawhid chez Al-Jahmiya et autres, vous savez, c'est quoi? C'est de dire qu'Allah n'a pas d'attribut. Ils renient les attributs d'Allah et ils disent non, on est sur le tawhid. C'est pour ça qu'il ne faut pas te faire tromper par les noms. Les khawarij, par exemple, les khawarij, ils disent l'amr bil ma'ruf wa nahy an munkar. Vous savez c'est quoi chez eux? Le fait de recommander le bien, de proscrire le blâmage chez le Khawarij, c'est de se révolter contre les gouverneurs et de faire couler le sang des musulmans. Chez eux, c'est ça l'amr bil ma'ruf wa nahy an munkar. Tayyib. Et le tawhid chez le Jahmiya, c'est le fait de dire qu'Allah n'a pas de nom, n'a pas d'attribut. Comme ça on est dans le tawhid. Wal 'iyad billah. Wa hadhihi al-'illah al-'alila bal mayyita. Ibn Uthaymin dit cette cause, en arabe on dit illa. Et alil ça veut dire malade. Donc le cheikh a fait un jeu de mots, il a dit cette illa elle est alila, cette cause elle est malade. Plus encore elle est morte. L'idalat est sam' et l'aql. De par ce vers quoi nous aurait orienté al-sam'. Ça veut dire quoi al-sam' ici? L'idalat est sam'. Ma ma'na l'adilla tu sam'iyya. L'idalat est sam'. Mada, regardez la perfection d'Allah Azza wa Jal. Il est en face de moi, pas loin, je ne l'ai pas entendu. Allah Tabaraka wa Ta'ala a entendu le Mujahideen au-dessus des sept cieux, au-dessus du arche. Je ne l'ai pas entendu après. Jazakallahu khayr. Al-adillatu sam'iyya, Qur'an sunnah. Quand vous entendez al-sam', juste avant, on parlait de l'ouïe. D'accord? Regardez la subhanallah, la langue arabe, comment elle est riche. Le même mot veut dire deux choses complètement différentes. Ici, al-sam' c'est quoi? C'est le Coran ou la Sunna. C'est la révélation, c'est l'épreuve du Coran et de la Sunna. Ou al-aql, l'épreuve tirée de la raison. Donc, le Coran et la Sunna, ainsi que la raison saine, nous montrent que leur parole, elle est pas, elle est fausse. On dit cette parole-là, elle est batila. On dit que cette parole-là est fausse. Quant au Coran, dans Sourate Al-Buruj, verset 12 jusqu'à 16, قال الله تعالى إن بطش ربك لشديد إنه يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Tout cela, c'est quoi? Des attributs d'Allah تبارك وتعالى. Celui qui nous a dit dans le Coran, قل هو الله أحد. نعم. Dis c'est une divinité unique. Celui qui nous a dit dans le Coran, فعلم أنه لا إله إلا الله. C'est celui qui nous a dit, وهو إن بطش ربك لشديد. Donc c'est un Rabb. Inna huwa yubdi wa yu'id, deux attributs. Wa huwa al-ghafur al-wadud, c'est le pardonneur, l'affectueux, deux autres attributs. Dhul arsh al-majid, détenteur du trône. Al-majid, c'est un attribut aussi d'Allah, parce que c'est le majid doux. Na'am. Et s'il avait été na'at de al-arsh, il aurait été majuro. Na'am. Ceux qui ont un minimum de nahou ont compris, pour les autres, c'est pas grave. Fa'alul lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Donc ici, on parle d'Allah. On nous dit que là, il est Allah. Pourtant, on nous a cité plein d'attributs dans ce court passage du Coran. C'est la preuve de quoi, ça? C'est la preuve que celui qui est doté de plusieurs attributs, nah, ça n'engendre pas forcément qu'il ait plusieurs. Sahih? Ça, c'est par le Coran. Dans Surat Al-A'la, Sabbihism Rabbika Al-A'la. On dit que c'est le plus haut. Alladhi khalaq, celui qui a créé. Fasawwa, combien d'attributs? Plusieurs attributs. Walladhi qaddar. Encore un autre attribut. Fahada. Encore un autre attribut. Walladhi akhraj al-mar'a. Encore un autre attribut. Faja'alahu ghutha an ahwa. Encore d'autres attributs. D'accord? Donc il est unique, pourtant il a plein d'attributs. Fi hadhihi al-ayat al-karima awsafun kathira li mawsufin wahid. Dans ces nobles versets, il y a plusieurs attributs qui décrivent un seul être décrit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit donc que d'avoir plusieurs caractéristiques n'engendre pas forcément le fait d'avoir plus, d'être plusieurs. وَأَمَّا الْعَقْلِ concernant la raison, فَلِأَنَّ صِفَاتِ لَيْسَتْ ذَوَاتِ بَائِنَةٍ. Car les attributs ne sont pas des êtres à part. Mais ils font plutôt partie, ce sont des parties intégrantes de la chose. Si je te dis, je parle de toi, à toi Abdallah, je te dis, tu es grand, tu es sage, tu es gentil, tu es beau. Non ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes quatre ? Même s'il a quatre djinns dans son corps, on ne dit pas qu'il est quatre. Ça, halala. Pourtant, on a dit, il est grand, il est beau, il est intelligent, il est. Naam, pourtant, il est tout seul. Pourtant, il est tout seul. Donc, cette qaïda ou ce mabda, il est bâtil. Et l'attribut, qaïmabi, that, les attributs sont avec l'être, et non pas en dehors ou séparés. Par exemple, on parle de toi, on dit que tu as un bras. D'accord? Est-ce que c'est possible qu'on marche dans la rue, on voit un bras tout seul? Tu rigoles? C'est pas possible. Sahalala. Mais le bras ne peut être qu'avec sahib le bras. Sahalala. L'intelligence. Est-ce que tu marches et tu la science par exemple. Tu marches et tu vois la science tout seul? Non, il y a sahib l'ilm. Il y a lui et lui a de la science. Sah? La personne, elle se met en colère, par exemple. Est-ce qu'il y a sa colère? C'est une chose, et lui, c'est une autre chose, ils sont deux. Non, c'est lui qui s'est mis en colère. C'est lui qui s'est mis en colère, c'est lui qui a parlé. Et ainsi de suite. Donc la raison, c'est montre que c'est bâtil. Et en plus, le shir nous dit, « Kullu mawjoud, falabudda lahu min ta'abud sifati. » Chaque être présent a obligatoirement plus d'un attribut. Plus d'un attribut. Au minimum, il est présent. Ça, c'est un attribut. Il est vivant. Ça, halala. Au minimum, il a plusieurs attributs. Taïb. Il est présent. Ensuite, sa présence, soit elle est obligatoire. C'est impossible. Il y a un moment où il n'est pas présent. Ça, c'est que pour Allah Azza wa Jal. Soit ils disent wajibul wujud. Soit mumkinul wujud. Il peut être présent. Ça, c'est les créatures. Il peut être là, il peut ne pas être là. Ici, Afwan, on voit que le shir utilise les mots de ces gens-là. Des gens de l'égarement. Ça, dans le débat, c'est permis. Tu utilises sa langue pour lui faire montrer qu'avec son langage et les termes qu'il utilise, lui, il est dans le faux. Et s'il reconnaît ça en utilisant ses propres mots, il sera bloqué. À ce moment-là, tu n'as plus qu'à remplir du bon. Donc tu délies les arguments et ensuite, quand il est, le récipient est propre, tu n'as qu'à poser la vérité. Par contre, tu poses la vérité et le récipient est sale, il y aura des ambiguïtés, ce ne sera jamais pur. C'est pour ça que beaucoup de gens rentrent dans le dîn. Un an dans le dîn, 10 ans dans le dîn, 20 ans dans le dîn, il est toujours pareil. Il dit des gros mots, il se comporte mal, il parle mal. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que de prendre du bien. Mais il ne se défait pas du mal, il ne se corrige pas. Il ne dit pas, les frères, dites-moi mes défauts. Aide-moi, dès que je parle comme ça, tu me corriges. Viens, on s'entraîne dans le bien. Il ne dit pas ça. Juste, il veut apprendre sans se purifier. Donc, il garde les défauts qu'il avait il y a de cela très longtemps. Non, être tasfiya fou ma tarbiya. Il faut être tasfiya, l'épuration, la purification. Ensuite, être tarbiya, le remplissage. Ensuite, il y a d'autres attributs comme quoi? Est-ce que c'est une chose qui se lève seule ou bien qui se lève sur autrui? Par exemple, tes attributs comme la vue, l'ouïe, la force, c'est des choses qui se lèvent sur toi. D'accord? Non. Le shaykh donne une autre faïda, il dit « Wa bihada ulima anna ad-dahra laysa min asma'illah ». De cette qaïda, on comprend que ad-dahr, ça veut dire le temps, ça n'est pas un nom d'Allah. Pourquoi? Parce que le temps ne comprend pas d'attributs. Alors que tous les noms d'Allah azzawajal sont parfaits de par le fait qu'ils comprennent des attributs parfaits. On dit de ça, comment est-ce qu'on appelle ce genre de nom qui ne renferme pas d'attributs? On appelle ça Ismun Jamid. Ismun Jamid. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Yani, dar, c'est murur al-ayyam wal layali, la succession des jours et des nuits. Quant au hadith, dans lequel le Prophète nous dit, قال الله عز وجل يؤذي ابن آدم. Quant au hadith, le shir va citer un hadith qui aurait pu être utilisé par certaines personnes l'ayant mal compris pour dire oui, mais il y a tel hadith. Et ça fait partie de la sagesse des savants de l'Ahl Sunnah. C'est qu'il te cite le problème, sachant que tu peux y penser ici, et il règle ce problème-là pour que tu gardes le haqq. Et tu ne tombes pas dans l'ambiguïté, ou te prémunisses ainsi et te vaccines ainsi d'une ambiguïté qui aurait pu être apportée par une personne du faux dans le futur. Non. Dans le hadith, يؤذني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah azza wa jal dit, le fils de Adam me nuit. Il insulte le temps et je suis le temps. Dans ma main et l'ordre tout entier, c'est moi qui fais se succéder la nuit du jour. Non. Qui fait tourner le jour de la nuit. Ici, on ne tire pas de ce texte que le temps, c'est un des noms d'Allah. Ici, on nous montre que les gens insultent le temps et que l'insulte revient sur Allah. Pourquoi? Parce que le temps est une créature dirigée par Allah Azza wa Jalla. Donc quand tu insultes le temps qui n'a aucune volonté, quand tu insultes le temps qui n'a pas de capacité propre, mais qui fait que ce qu'Allah lui ordonne, ben ça revient sur celui qui a ordonné. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Je suis le temps ». Et on explique ici même, il y a une qarina muttasila, que signifie « Je suis le temps » C'est ce qu'on appelle une qarina, un indice collé, c'est-à-dire il est dans le texte. Des fois, il y a une qarina munfasila, c'est-à-dire dans un autre texte, on trouve l'explication. Là, c'est dans le même texte, on appelle ça une qarina. Qarina, c'est un indice. Muttasila, ça veut dire attaché, c'est-à-dire c'est dans le même texte. Et quand les savants disent munfasila, ça veut dire détaché, c'est-à-dire c'est dans un autre texte qu'on a ramené la preuve pour expliquer. Aussi, si Allah Azza wa Jal avait été le temps, il dit ensuite, je fais tourner le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est le temps. Allah ne peut pas être celui qui fait tourner et celui qui est tourné. Vous avez compris le deuxième argument? S'ils disent que Ad-Dahr, qui est la succession des jours et des nuits, c'est Allah, Allah nous dit ensuite que c'est lui qui fait se succéder les jours et les nuits. Ça veut dire que, en même temps, c'est les jours et les nuits, et en même temps, il tourne. La nuit vient, plus le jour vient. Il ne peut pas être al-muqallib ismu fa'il, al-muqallab ismu maf'oul. La faïda ici, c'est quoi? C'est que al-dahr, c'est pas des noms d'Allah. Du fait qu'il ne renferme pas un attribut parfait, les noms d'Allah Azzawajal sont tous parfaits, du fait qu'il renferme des attributs qui sont parfaits et qui ont des sens sublimes. Ainsi, le shir nous dit, on voit l'erreur d'Ibn Hazm. Naam, quand il a dit que dahr fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas dire ya dahr, invoquer Allah Azzawajal en disant ya dahr ou bien dire abdu dahr. C'est interdit, parce que ce n'est pas un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallillahumma barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القشن قاعدة القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أقوال. On étudiera إن شاء الله la prochaine fois que les noms d'Allah عز وجل. Si l'attribut qui est enfermé dans ce mot nous indique une chose qui se répercute sur autrui, alors on a comme obligation trois choses. Dans le cas contraire, on a comme obligation deux choses. Jazakumullahu khayran.